Alhamdulillah. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yiradah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawat Rabbi wa salamuhu alayh. أما بعد فنبدأ أولا وآخرا بحمد الله سبحانه وتعالى الذي منه كل خير وما بكم من نعمة فمن الله فما من نعمة تحصل على العباد إلا وهي من توفيق الله عز وجل لهذا العبد أو لهذه الأمة. Donc on commence tout d'abord par remercier Allah et par accomplir sa louange. Lui de qui découle tout bienfait. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit selon une traduction approximative, il n'y a pas un bienfait qui vous touche de près comme de loin sans que celui-ci ne vous vienne d'Allah Azza wa Jal. Wa hawa nahnu qad marrat bina azamat shadida ala al-nufus wal-qulub. Et certes, on vient de finir une longue période de disette qui a été très dur pour les cœurs et pour les âmes. Lamma ghuliq al-masjid wa ghuliqat hilaq al-dhikr hasala shay min al-ibtila 'ala al-qulub. Lorsqu'ils ont fermé la mosquée ou lorsque a été décrété la fermeture de la mosquée et l'arrêt des cours à la mosquée, c'était une épreuve très dure à vivre, surtout pour les cœurs. لِأَنَّ الْقُلُوبُ تَتَعَلَّقْ بِالْأَشْيَاءِ الْمَعْنَوِيَّةِ كَثِيرًا. Pourquoi ? Parce que les cœurs sont en lien avec les choses abstraites. الآن نحن ما نرى بالعين بركة المسجد لكن القلب يحس بها إحساسا. Nous peut-être avec les yeux on n'arrive pas à distinguer ou à discerner la bénédiction qu'il y a dans la mosquée, mais nos cœurs ils le discernent très bien. ولهذا ما من عبد يجلس في مجلس ذكر إلا ويشعر أن قلبه مطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Et c'est pourquoi il n'y a pas un cœur, le cœur parmi les cœurs des croyants qui s'assoit ou qui participe aux assises de science sans qu'il ne ressente un apaisement. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ? N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent ? فَنَحْمَدُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ وَنَشْكُرُهُ جَلَّ جَلَالُ. Donc on remercie vraiment Allah Azza wa Jal qui nous permet de revenir dans cette mosquée Mubarak. Cette mosquée-là, c'est une mosquée Mubarak. Mubarakun wa Rabbil Ka'ba. فيه رجال يحبون السنة وفيه مسؤولون على خير يحبون الخير ويحبون العلم ويشاركون في ماذا في معرض الخير إذا وجدوا الفرصة. Donc c'est une véritable bénédiction cette mosquée qu'Allah nous a accordée. La plupart de ses adeptes ou de ses fidèles aiment la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Même les responsables de cette mosquée sont, de ce qu'on constate d'eux, dans un grand bien. Ils aiment le bien, ils aiment la science, ils aiment s'associer à n'importe quel projet de bienfaisance. فَنَحْنُ شَاكِرٌ لِلْجَمِيعِ. Donc on remercie, après avoir remercié Allah Azza wa Jal, on remercie toutes les personnes qui nous ont facilité pour qu'on revienne dans ce genre d'assises. Des assises sur auxquelles le prophète alayhi salatu wassalam nous a explicitement et implicitement indiqué qu'elles menaient vers le paradis. كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui emprunte, le prophète صلى الله عليه وسلم dit dans le hadith sahih, celui qui emprunte un chemin pour la science, pour la connaissance religieuse, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite un chemin vers le paradis. Et regardez, Ikhwan, c'est un hadith qui a des implications. Par exemple, ce hadith, si le prophète sallam nous informe que la science et le fait de participer aux assemblées de science est un chemin qui mène au paradis, il y a l'autre hadith qui est bon de prendre en considération. C'est le hadith où le prophète alayhi salatu wasalam dit « Huffatil jannah bil makareh ». Le paradis est entouré de choses détestables. Donc si ces assises-là, les assises de science, elles nous ramènent vers le paradis, ça ne veut pas dire qu'elles nous ramèneront vers le paradis avec simplicité. Il y aura des difficultés. Il y aura des difficultés, il y aura des épreuves. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Il faudra patienter. Fais la bonne annonce aux patients, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Naam. Wa baqiyat al-hadith al-mutaqaddim dhikruh. Mala majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-mala'ika. Hadha al-fadl inqata'a 'anna مع انقطاع الاجتماع، لأن يعني هذا الحديث يدل على اشتراط الاجتماع في بيوت من بيوت الله حتى نحصل على هذا الفضل. C'est dire. Donc là, ce hadith, le prophète sallam dit, il n'y a pas un peuple qui se regroupe dans les maisons des maisons d'Allah sans que ne descende sur eux la quiétude, la sakina. Et sans que ne les enveloppent les anges. Et ça, même si on ne le voit pas avec les yeux, on se doit d'y croire avec le cœur. لأن هذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Parce que c'est les paroles du prophète عليه الصلاة والسلام qui ne parlent pas sous l'effet de ses passions, mais qui parlent bien par une révélation qui lui est faite. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم nous informe que dans ce genre d'assises, où on évoque le nom d'Allah Azza wa Jal, où on évoque la religion d'Allah Azza wa Jal, voilà que la quiétude descend sur les participants, ainsi qu'ils sont recouverts, ils se voient recouverts par les anges. وَمَاذَا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Et Allah subhanahu wa ta'ala les évoque. وَكَذَلِكَ مَاذَا وَغَشِيَتْهُمُ Ar-Rahma. Kedalik, il profite aussi de la miséricorde. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala évoque ces personnes-là, tous ces participants-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il les évoque par leur nom ou leur plus beau nom auprès de lui et devant les meilleurs des anges. Donc, ça, ce bienfait-là, si on prend ce hadith-là, il nous a été On a été privé de ce bienfait-là pendant des mois, voire presque 6 mois. Donc c'est un véritable remerciement qu'on se doit de vouer à Allah Azza wa Jal pour un tel retour. وَعَسَىٰ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَمُنُّ عَلَيْنَا بِزِيَادَةٍ وَنُمُوٍ مِنْهُ. Et on espère que de par ce remerciement-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous rajoutera de ses bienfaits. وَهَذَا مِزْدَاقُ قَوْلِهِ جَلَّ فِي عُلَىٰ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et ça, c'est conforme avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Et si vous remerciez, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative, et si Allah a décrété que si vous le remerciez, il vous rajoutera. Toute personne qui remercie Allah Azza wa Jal sur ses bienfaits, en étant sincère, en œuvrant avec les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, il ne se verra que dans une augmentation, que dans une augmentation de bien. ولهذا كان بعض السلف يقولون النعم وحشية فقيدوها بشكر. C'est pourquoi les salaf avaient l'habitude de dire que les bienfaits d'Allah sont comparables à des animaux sauvages. Attachez-les donc par le remerciement. Attachez-les donc par le remerciement, c'est-à-dire préservez ces bienfaits-là avec le remerciement d'Allah Azza wa Jalla. Na'am. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قد مرت بنا معظم الكتاب بفضل الله عز وجل وبقي بعض الفصول أو أظنه الأخير وهو فصل مهم جدا يتعلق بالشبهات بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله فصل. Donc là on est dans l'un des derniers chapitres du livre, et c'est un livre, c'est un chapitre très important est très utile à connaître. Et c'est un chapitre qui va porter sur les différentes ambiguïtés avec lesquelles sont venues les différentes sectes, surtout au sujet de la aqida, au sujet du dogme et au sujet des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc on va voir certaines ambiguïtés avec lesquels ces sectes sont venus et comment répondre à ces ambiguïtés. وهذه طريقة حسنة يعني كما قيل بالأضداد تتبين الأشياء. Et ça, c'est une bonne manière d'enseigner, que d'apprendre à l'étudiant les différentes voies erronées, égarées, afin qu'il y prenne garde. فكما أنه يجب على المرء أن يتعرف وأن يعرف التوحيد والعقيدة الصحيحة فيجب عليه أن يعرف وأن يحذر من الشرك وما يجره إليه. Donc tout comme il est impératif au serviteur de connaître et d'avoir une connaissance approfondie sur le tawhid, il lui est également obligatoire d'apprendre et de prendre garde au sujet du shirk, l'association, hein, le polythéisme. Qu'est-ce que c'est ? فَمَنْ لَا يَعْرِفُ شَيْءٍ يَقْعُ فِيهِ. Parce que celui qui ne connaît pas une chose, forcément un jour ou l'autre, il va tomber dedans. Et ça, c'est valable dans bon nombre dans bon nombre de situations. Regardez l'imam al-Bukhari, alayhi rahmatullah. On lui a dit, comme tahfaz min hadith. Sahih. Combien tu mémorises de hadith sahih? Il dit 100 000. 100 000 hadith sahih. Avec chaîne de transmission. Hein? Taïb. Combien tahfaz, kam tahfaz min hadith da'ifa? Il dit 100 alf. Il dit 200 000. Il connaît, il mémorise 100 000 hadith authentique et 200 000 hadith da'if. On lui demande pourquoi tu apprends les hadiths da'if. Justement, il répond pour savoir qu'ils sont faibles. Que si demain, on me dit voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté tel ou tel hadith, je ne vais pas trembler. Parce que je sais que ce hadith-là, il est faible. Mais si demain, tu arrives, khalas. وهذا مأخوذ أصلا من حديث حذيفة حذيفة بن اليمن ابن اليمان لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أو ماذا لما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني مخافة أن يدركني نبل كومبانيون حذيفة بن اليمن. Il dit, dans le hadith authentique, les gens avaient l'habitude de poser des questions au prophète alayhi salatu wassalam au sujet du bien. Au sujet du bien. Tandis que moi, je lui posais des questions au sujet du mal. Par crainte de tomber dedans. Par crainte de tomber dedans. Naam. Donc là, c'est pourquoi on va voir dans ce chapitre différentes ambiguïtés qu'ont eu certaines sectes et comment répondre à ces ambiguïtés. قال شيخ العثيمين عليه رحمة الله اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات. Sache que certaines personnes parmi les innovateurs et ceux qui interprètent mal les versets d'Allah Azzawajal ont suggéré certaines ambiguïtés aux gens de la sunna. Tamam. Ils ont suggéré certaines ambiguïtés aux gens de la sunna et ces ambiguïtés, ils les ont pris du Coran. أو دي السنة تمام فلهذا سميت شبهة لأنها تشبه ماذا تشبه الحق فلهذا سميت شبهة لأنها تشبه الدليل. طيب قال ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. طيب. Donc avec ces ambiguïtés là, avec lesquelles ils sont venus, ils ont prétendu que les gens de la sunna, eux aussi, ils n'ont pas pris à certains moments donnés les textes dans leur sens apparent. Mais ils les ont interprétés. Donc eux, lorsqu'ils viennent avec cette prétention-là, ils veulent contraindre les gens de la sunna, les adeptes de la sunna, d'être convaincu sur le fait qu'il est possible d'interpréter des versets portant sur les noms et les attributs autrement que de les prendre dans leur sens apparent. Tamam. Naam. Donc soit avec ces ambiguïtés, ils veulent convaincre les gens de la sunna qu'eux aussi, ils sont tombés dans l'interprétation, ou soit ils veulent les convaincre en leur montrant que d'autres parmi eux sont tombés dans l'interprétation et ils ne les ont pas réfutés pour autant. C'est ce qu'on appelle la mudahana. Mudahana, c'est le fait de passer la pommade sur quelqu'un. C'est-à-dire de je ne sais pas comment je pourrais le traduire, ça, enfin, s'il y a un mot qui existe en... Hein? La flatterie. Voilà, c'est de la flatterie. Ahsan. Le fait de flatter quelqu'un alors que tu sais qu'il est dans l'erreur. Naam. طيب قال وقال كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. Donc ils vont venir ces innovateurs en disant comment vous pouvez réfuter. Vous pouvez nous critiquer parce qu'on a interprété certains textes, alors que vous avez interprété également certains textes. Tamam ? Donc, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, nous, on va répondre à cette première ambiguïté, maintenant, de deux manières. Une manière mujmal, vague, indécise, et d'une manière précise, mufassal. Taïb. قال أما المجمل فيتلخص من شيئين أحدهما ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعاني أو من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام وهذا قد تقدم معنا في القاعدة السابقة فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. Donc la réponse يعني vague que le Cheikh Al-Uthaymeen évoque, c'est tout d'abord déjà de dire que de un, on n'est pas d'accord avec vous sur le fait que vous disiez que les pieux prédécesseurs, les imams de la Sunna, ont interprété des sens, ont interprété des versets portant sur les noms et les attributs. On n'est pas d'accord avec vous sur ce fait-là. Bien au contraire, les pieux prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont fait que de prendre le sens apparent. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple « Tajiri bi-a'yunina »« Tajiri bi-a'yunina » Le bateau de Nuh, hein, Allah subhanahu wa ta'ala il dit tajri bi a'yunina, il vogue devant nos yeux. Qu'est-ce que ça signifie là, devant nos yeux, hein, bi a'yunina? Est-ce que ça signifie que mada le bateau, il se trouve en lien, en contact avec Allah azza wa jal, ou bien ça signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il voit ce bateau, il le protège tout en étant au-dessus des cieux? La réponse est la deuxième, bilachek. Mais ça, est-ce qu'on l'a interprété? Non, on l'a pris du sens apparent. Parce que le sens apparent, mana, c'est le premier sens qui nous vient à l'esprit. Quand on nous parle, par exemple, on dit, comme on va le voir, Al-Hajar al-Aswad, Yaminullah. La pierre noire, c'est la main droite d'Allah Azza wa Jal. Quand on nous parle comme ça, est-ce que le sens premier qui nous vient à l'esprit, c'est que réellement la pierre noire, c'est la main d'Allah? Là, c'est pas ça le premier sens qui nous vient à l'esprit. Tamam? Mais Ce qui va nous venir en esprit, c'est que, voilà, c'est une manière élogieuse d'évoquer l'importance de cette pierre sans jamais l'associer avec un des attributs d'Allah Azza wa Jal. Fahimtum? Donc tout ça, ça va dépendre du contexte de la phrase, du contexte du verset. Et des mots qui sont liés ou associés les uns aux autres. Ça peut sembler compliqué pour certaines personnes qui n'ont pas assisté depuis le début, mais ça, c'est en vérité, c'est un complément de ce qui a été, de ce qui est passé dans les cours précédents. طيب. ثانيا أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف ببراهين وقطعيات يتواصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب. Deuxièmement, toujours là, on est dans une réponse assez vague. Hein, elle n'est pas ciblée. Hein, donc là, le cheikh, il dit. Deuxièmement, pour répondre à leur prétention ou à leur ambiguïté, on leur dira que si toutefois les pieux prédécesseurs avaient interprété, il faut savoir qu'ils ont interprété avec un dalil, avec une preuve, qui est soit dans le même hadith ou qui est séparé du texte évoqué. Fahimtum? Non. Contrairement à ce que eux ils font, ils interprètent sans le moindre dalil, avec pour simple base des ambiguïtés. Ils n'ont aucun dalil dans leur interprétation, ils se basent juste sur des ambiguïtés qui les emmènent à réfuter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même affirmé de sa propre personne ou sur sa propre personne, madame, ou que le prophète alayhi salatu wassalam lui a affirmé. Naam. Qala wa amma al-mufassal وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره ولنمثل بالأمثلة التالية فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزلي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء. Donc là, la première des ambiguïtés détaillées qu'il va évoquer, Cheikh Al-Uthaymeen, c'est une parole de l'imam Abu Hamid Al-Ghazali qui dit que, qui rapporte de certains savants suivant l'école de l'imam Ahmed, qui rapporte que l'imam Ahmed n'a jamais interprété des textes portant sur les noms et les attributs d'Allah, si ce n'est dans trois textes. Le premier, Al-Hajar al-Aswad, Yaminullah fil Ard. Le premier, c'est le hadith qui dit que Al-Hajar al-Aswad, Yaminullah fil Ard. La pierre noire, c'est la main droite d'Allah sur terre. C'est la main droite d'Allah sur terre. Wal hadith thani qulubul ibad bayna asbu'ain min asabi'i ar-Rahman. Le deuxième, les cœurs des serviteurs sont entre deux doigts des doigts d'Allah. Et le troisième, inni ajidu nafas ar-Rahman min qibal al-Yaman. J'ai trouvé, et dans le troisième hadith, c'est le hadith où le prophète sallam dit, j'ai trouvé le secours du miséricordieux venant du Yémen, venant du Yémen. Donc, il pense que l'imam Ahmed a interprété dans ces trois hadiths. Tamam. Qala wa naqalahu anhu Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah min majmou' al-fatawa wa qala hadhihi al-hikaya kadhibun ala Ahmed. Hadhihi al-hikaya kadhibun ala Ahmed. Donc ça c'est des paroles d'Abu Hamid al-Ghazali qu'a rapporté qui Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans son livre Majmou' al-Fatawa. Et ensuite Sheikh al-Islam il te dit que cette prétention comme quoi l'imam Ahmed a interprété dans trois hadiths, ce n'est que du mensonge. Ben, l'imam Ahmed n'a jamais commis d'interprétation comme les gens des passions le prétendent. Tamam. Al-mithal al-awwal wa al-akhiru li ba'd inshallah. Naktafi fi hadha al-dars bi hadha.